الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح نسأله تبارك وتعالى جعلنا هداة مهتدين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه chapitre numéro 45 se donner comme titre le juge des juges ou d'autres dans les appellations semblables. Donc le chapitre de celui qui se fait appeler le juge des juges ou d'autres appellations par d'autres appellations semblables. Babu at-tasammi ay wada' li nafsihi hadha al-ism bi qadhi al-qudhat أي حاكم الحكام أن هذا مناف لكمال التوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى رب العالمين وسواء تسمى بذلك أو سمي به ورضي به هو. Donc ce chapitre concerne celui qui se donne cette appellation, tout comme il concerne celui qui a été appelé ainsi, puis a agréé cette appellation. Wal-qadhi bima'na al-hakim. Wal-qudhat hum al-hukkam. Wa al-huna lil-umum. Wa al-mu'allif wa nahwih. Kamalik al-amlak. Wa sultan al-salatin. Ila ghayri dhalik. Donc l'auteur nous dit, ou d'autres parmi les appellations qui se rapprochent de celle-ci, comme le roi des rois, le plus juste des justes, le sage des sages, etc. مناسبه الباب لكتاب التوحيد من تسمى بهذا الاسم فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا هو كقاضي القضاة ومالك الأملاك فالله له الحكم وإليه يرجع الأمر كله فهو شرك في الربوبية والتعظيم. Donc l'auteur رحمه الله تعالى a mis ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid, car cette appellation le juge des juges vient à l'encontre de la perfection du tawhid. Celui qui prend cette appellation l'agrée aura ou bien se sera donné la place qu'il ne convenait pas. Il se sera mis l'égal d'Allah subhanahu wa ta'ala, aura tenté d'être associé à Allah tabaraka wa ta'ala dans une chose qui lui est propre, que nul ne mérite en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'appellation du juge des juges ou du roi des rois, car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient tout l'ordre dans sa main et c'est à lui que revient toute chose. Donc celui qui prend cette appellation l'agré aura dépassé les limites, aura commis du polythéisme dans la seigneurie et aura transgressé les limites dans at-ta'zim. Et ce qui est interdit, c'est de citer cela de manière absolue, comme Qadhi al-Qudhat, le juge des juges. Amma idha dhukira dhalik muqayyadan wa kana bihaq fala mani'a. Donc l'interdiction est de citer cela de manière absolue. Quant à celui qui cite cela de manière restreinte, comme on pourrait dire qadi qudati Misr ou qadi qudati al-mamlakati al-saoudiya al-arab, n'am, ou qadi qudati al-yaman wa halumma. Donc le fait de dire le juge des juges ou bien le chef des juges de tel pays, le responsable des juges de tel pays, ceci est permis, car l'association qu'on trouvait dans l'expression qadi al-qudat n'est plus présente. Ce qui fait que c'est interdit, c'est que il y a la notion d'association avec une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de dire le juge des juges de tel pays, alors yani lorsque c'est restreint par un temps ou par un endroit, il n'y a plus la cause qui fait qu'on interdisait cela. Il n'y a pas de musharaka ici, il n'y a pas d'associationnisme avec Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْأَفْضَلْ تَرْكُهُ خَوْفًا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعُجْبِ وَالتَّكَبُّرِ. Malgré cela, les savants disent que le mieux était de délaisser cette appellation, de peur que la personne ne soit touchée par l'orgueil, la vanité, ou qu'elle se mette à rejeter la vérité qui viendrait contredire son avis. وأيضا التقييد بفن من الفنون جائز. Aussi, c'est permis de citer ce genre d'appellation dans certaines sciences. D'accord ? Dans certaines sciences, toujours de manière restrictive. Et le mieux, comme je l'ai cité, de s'éloigner de l'exagération et des éloges. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui a fait des éloges dans le visage de son frère, قَطَعْتَ عُنُكَ عُنُقَ صَاحِبِكَ. Tu as coupé le cou de ton frère. Ce hadith de Abi Bakr, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait des éloges, prenez du sable ou de la terre et jetez-lui au visage. Donc c'est un danger pour le nafs de la personne que de recevoir des éloges en plein visage, alors que chacun d'entre nous connaissons nos manquements et nos défauts. Et nous savons tous que si les gens nous aiment, c'est dû au fait qu'Allah Azza wa Jal nous a caché nos péchés. C'est dû au fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a caché nos péchés. Et comme le disaient certains parmi les anciens, si les péchés avaient une odeur, personne ne pourrait s'asseoir à côté de moi. Et comme le disait Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, si vous saviez mes péchés, il n'y aurait pas deux personnes à mes talons. Il n'y aurait pas deux personnes à mes talons. Car c'était un grand savant que les gens suivaient après sa sortie de la mosquée ou bien après les cours qu'il dispensait. Wa hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel, as'alallahu tabaraka wa ta'ala al-ghaffar an yaghfira lana. Il y a également l'appellation connue de Sheikh al-Islam, le savant de l'Islam. In urida bidhalik man jaddada al-Islam wa dafa anhu wa kana lahu min al-athar al-hamidah al-tayyibah fa la ba'sa bih ka Sheikh al-Islam ابن تيمية رحمه الله تعالى وكشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغيرهما رحمة الله عليهما وعلى علمائنا وحفظ الله من بقي منهم. Donc on peut donner l'appellation de savant de l'islam dans le sens où ce sont des gens qui ont revivifié l'islam, qui l'ont propagé, qui l'ont défendu et qui ont eu de nobles effets sur les communautés, comme Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, et comme Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulayman ibn Ali al-Tamimi rahimahullah ta'ala, l'auteur de ce livre. Et on remarque que chez les anciens, comme Abu Bakr, Omar, Uthman, il n'y avait pas de grandes appellations. Naam. Et aujourd'hui, on remarque que celui qui revient du Hajj, pour certains de ceux qui reviennent du Hajj, ils n'acceptent plus qu'on les appelle Cheikh, pour la personne âgée, ou bien par son prénom pour le jeune, mais il veut que tu l'appelles Al-Hajj. Naam. Al-Sahaba, Hajjou. Al-Sahaba ont fait le Hajj. Mais est-ce qu'on les a appelés par la suite Al-Hajj, un tel? Al-Hajj, un tel? Non. Ce sont des appellations qui sont venues par la suite. D'accord? Ce sont des appellations qui sont venues par la suite. Al-Hadar. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, wa fi sahih, an Abi Hurayrata, radiallahu anhu. Fi sahih, bel fi sahihay. Ce hadith n'est pas que dans le recueil de l'imam Bukhari, mais également dans le recueil de l'imam Muslim. An Abi Hurayrata, radiallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى وفي رواية سمي ملك الأملاك لا مالك إلا الله. Dans le recueil de hadith authentique, c'est-à-dire de l'imam Bukhari, et vous avez entendu que le hadith et dans le recueil de l'imam Bukhari, tout comme il est dans le recueil de l'imam Muslim. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus méprisable des noms auprès d'Allah, le plus méprisable des noms auprès d'Allah est un homme qui se donne comme nom le roi des rois. Or, il n'y a de possesseur absolu qu'Allah. Vous corrigez dans le livre. Vous avez ici le plus méprisable des noms d'Allah. Cela pourrait grandement porter à confusion. Donc vous notez le plus méprisable des noms auprès d'Allah, ou chez Allah, ou pour Allah, est un homme qui se donne comme nom le roi des rois. Or, il n'y a de possesseur absolu qu'Allah. Akhna'u ay awda'u adhall, le plus méprisable des noms auprès d'Allah, pour Allah. Rajulun tasamma, un homme qui se fait appeler. Donc là, c'est lui qui a pris cette appellation. Puis, on l'a appelé ainsi. Dans une autre version du hadith, Rajulun summiya ay mabniyun ala ma lam yusamma fa'iluh. Mabniyun ala al-majhul ou lil-majhul, na'am. Ay yud'a bidhalik. Wa huwa qad radiya bih. Donc, dans la deuxième version, cela voudrait dire que c'est les gens qui ont pris cette appellation, qui lui ont donné cette appellation, mais lui l'a agréé, l'a accepté. A accepté de porter ce nom. Comme certains qui, envers qui on exagère dans le rang. Puis lorsqu'ils sont conseillés, ils disent: ça n'est pas moi, ce sont eux qui m'appellent ainsi. Ce sont eux qui ont fait. Non, si tu te tais, d'accord? Et si tu ne corriges pas, et si on ne connaît pas de toi ce rejet et le fait que tu n'agrées pas, alors tu auras le jugement de celui qui a pris ce nom. Tu auras le jugement de celui qui a pris le nom. Akhna. إذن إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك. الأملاك جمع مالك بكسر اللام ويجمع أيضا على ملوك. Donc مالك الأملاك, أملاك c'est le pluriel de roi, de مالك. Il a également comme pluriel ملوك. Donc c'est le nom le plus méprisable, le plus vil auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela ? لأن في هذا الاسم إشعار بالتكبر والتعالي. Car dans ce nom, on voit que la personne veut s'élever au-dessus des autres, sortir de son rang et le dépasser. أرفع الناس في السلطة هم الملوك. فهذا ما رضي أن يكون مالكا بل ملك الأملاك بل ملك الأملاك أي فوق مرتبة الملوك وهذا لا يليق إلا بالله جل وعلا. Cette personne s'est fait appeler le roi des rois. Le niveau le plus haut fit dunya, le plus élevé dans ماذا, le gouvernement, c'est le fait d'être le roi, d'accord, le dirigeant. Cette personne n'a pas agréé cela. Elle a même transgressé ce niveau pour se faire appeler le roi de l'ensemble de ses rois. Et cela ne convient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné le contraire de ce qu'il recherchait. فَعُمِلَ بِنَقِيدِ قَصْدِهِ فَأَرَادَ الرِّفْعَةِ فَأَذَلَّهُ اللَّهِ. Cette personne a voulu s'élever de par cette appellation, on lui a donné le contraire de ce qu'elle recherche. C'est devenu le nom le plus méprisable, le plus rabaissé. Donc la personne aura cette caractéristique, elle sera rabaissée, elle sera humiliée. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté ces gens-là en disant La malika illallah. La malika illallah. Il n'y a de possesseur absolu qu'Allah. Et la malika ala al-haqiqa. Al-mulk al-mutlaq illallah. C'est-à-dire, il n'y a personne qui possède de manière absolue, de manière totale, les choses si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la créature fi dunya, qui possède quelque chose, en réalité c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné, et cela pour un temps déterminé. Et cela pour un temps déterminé, c'est pour ça que yawm al-qiyam, Allah subhanahu wa ta'ala dira comme c'est dans le Coran, Limanul mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Et personne ne répondra. Allah Azza wa Jal, Rabbul Izzati wal Jabarut, répondra lui-même en disant Lillahi al-Wahid al-Qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur suprême. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala Malikul Amlak. C'est Allah subhanahu wa ta'ala le roi des rois. وفي رواية أخرى لمسلم لا مالك إلا الله. Donc nous avons la malika illallah et nous avons la malika illallah. Tout comme nous avons maliki yaoumiddin et nous avons maliki yaoumiddin. Naam. Donc il y a le sens de malik. D'accord. Et il y a le sens de Malik. Donc Malik, on le traduira par roi. Et Malik, on le traduira par possesseur ou propriétaire. Donc il y a la connotation de maître, il y a la connotation de maza, de roi. Et certains savants ont citer la différence qu'il y avait entre Malik et Malik. Donc, Al-Malik, huwa alladhi lahu al-mulk. Al-Malik, le roi, est celui qui a la royauté. Wal-Malik, huwa alladhi lahu al-milk. Al-Malik, c'est celui qui a la possession. Naam. C'est celui qui a la possession. Donc, toi, tamlik hada, tu possèdes telle chose. Mais tu n'es pas Al-Malik, mais tu n'es pas le roi. Donc ça n'est pas tout possesseur qui a un royaume. Ça n'est pas tout possesseur qui a un royaume. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Malik et c'est Al-Malik. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le roi, le possesseur, le seul maître. Tous ses attributs sont pour lui tabaraka wa ta'ala. Donc à lui la royauté. Wa al-mutasarrif wahda alladhi yudabbir jami' al-umur fi malakuti fi mamlakati. Donc Allah azza wa jal, c'est al-malik. Il a al-mulk, la royauté. C'est donc celui qui dirige tout et celui qui gère son royaume comme il le veut. Et celui qui fait appliquer ce qu'il veut. Et c'est également Al-Malik, lahul milk, ou plutôt Al-Malik, c'est également le possesseur. Il possède tout et il fait ce qu'il veut également donc dans son royaume. Donc ce nom, Malikul Amlak, c'est le nom le plus méprisable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants ont expliqué entre autres deux causes pour cela. Premièrement, wa akdhabun nas. Premièrement, c'est un grand mensonge qu'il profère ici. Car il prétend être le maître ou bien le roi de l'ensemble des rois ou le grand propriétaire, alors qu'en vrai c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a mis dans la main ce qu'il possède premièrement, donc c'est la propriété d'Allah et lui en fait partie. Deuxièmement, au moment de mourir il perd et se sépare de sa royauté ou de ce qu'il possède. Il se sépare de sa royauté et de ce qu'il possède. C'est pour cela que l'un des pieux parmi les dirigeants, Harun Rashid, si je me souviens bien, rahimahullah, عند موتي قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قاد زال ملكه. Il a dit ô toi, celui dont la royauté ou la propriété ne disparaît jamais, fais miséricorde et aie pitié de celui qui vient de la perdre. Subhanallah. Ô toi, celui dont la possession ne disparaît jamais, aie pitié de celui qui vient de perdre la sienne. Hadha huwa at-tawhid. Ça, c'est du tawhid. C'est de savoir que ce que tu possèdes, c'est Allah Azza wa Jal qui te l'a donné. Pour un temps déterminé, et c'est un ibtila, c'est un imtihan, pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Le riche, c'est un ibtila pour le pauvre. Le pauvre, c'est un ibtila pour le riche. Le riche doit sortir la zakat. Le pauvre ne doit pas être envieux. Na'am. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basir. Allah Azza wa Jalla nous dit dans sourate Al-Furqan que nous sommes des épreuves les uns pour les autres. Allons-nous nous montrer endurants. Et certes, ton Seigneur est clairvoyant. Donc tout ce que tu possèdes, sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te l'a donné pour un temps déterminé. Et tu vas t'en séparer. Puis tu seras questionné sur ta, sur la manière amada dont tu as utilisé ces bienfaits et comment est-ce que tu les as eus. Donc en réalité, la royauté, la possession tout entière appartient à qui? À Allah tabaraka wa ta'ala, al-wahid, al-qahhar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc Allah azza wa jal nous dit que la royauté est dans sa main. Il nous dit également, qul illahumma malika al-mulk, tu'ti al-mulka man tasha. Allah Azza wa Jal, c'est le maître de la possession. Et il donne la royauté, il donne la possession, il donne les choses à qui il veut. Et il la retire également à qui ou bien de qui il le veut. Il nous dit également قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ إِلَّا. Donc nombreux sont les versets qui nous affirment que la royauté, que la possession est réelle de manière absolue, n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala n'aime pas les noms où il y a de l'orgueil. Donc premièrement, je vous ai dit que ce nom est détesté chez Allah, car est humilié chez Allah, méprisable chez Allah, car il y a du mensonge. Deuxièmement, لِأَنَّ فِي تَعَالِي وَتَكَبُّرُ. Deuxièmement, car il y a de l'orgueil. Et la personne cherche à s'élever. Et la personne cherche à s'élever. Et Al-Kibriya, le fait d'exposer sa domination, est une propriété qui revient de droit qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, nous les serviteurs, nous avons reçu l'ordre de nous montrer humbles. De nous montrer humbles. كما في وصف عباد الله أو عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. On nous a décrit les serviteurs du Tout Miséricordieux comme étant ceux qui marchent sur la terre de manière humble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: من تواضع لله رفعه الله. Celui qui se rabaisse pour Allah, Allah l'élève. Il nous dit également: إِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً. Tu ne te prosterneras pas pour Allah d'une prosternation sans que par celle-ci il ne t'élève en degré. Regarde, subhanallah, tu poses ce que tu as de plus haut au plus bas pour Allah, Allah t'élève. Et tu refuses de te soumettre, Allah Azza wa Jal t'humilie. Regardez Pharaon, il n'a pas été humilié sur la terre, plus bas que terre. Il a dit Ana Rabbukum al-A'la, je suis votre Seigneur le plus haut. Allah Azza wa Jalla l'a mis au plus bas que la terre. Subhanallah, dans la mer, il l'a noyé. Fafi hadha durusun wa ibar. Dans cela, il y a des leçons et des enseignements pour celui qui réfléchit, qui prête l'oreille à un cœur vivant. A l'inverse, on voit que les noms les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala sont les noms où on voit que la personne se rabaisse. Ahabbu al-asma ila Allah, madha, Abdullah wa Abdurrahman. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme dans le hadith d'Ibn Omar et madha d'Ibn Samurah, Na'am Abdurrahman ibn Samurah, et d'Ibn Omar, le hadith est عند الترمذي et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit les noms les plus aimés chez Allah sont le serviteur, l'esclave d'Allah, le serviteur, l'esclave du Tout Miséricordieux. Subhanallah, plus il y a l'humiliation pour Allah dans le nom, plus il est aimé chez Allah. A l'inverse, Malikul Amlak, Akhna Usmin عند Allah. A l'inverse, le roi des rois, c'est le nom le plus méprisable chez Allah. Donc de cela, on tire une leçon pour ceux qui aspirent à avoir des enfants, ou bien qui sont dans l'attente d'enfants, na'am, comme certains frères ici. As-Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqana wa yarzuqahum dhurriyatan salihatan tayyibah. Qu'il n'oublie pas ce principe. Na'am, qu'il n'oublie pas ce principe. Et bi'idhnillahi rabbil alamin, si Allah tabaraka wa ta'ala m'accorde un fils ou deux fils en plus, j'appellerai le premier Abdullah et le second Abdurrahman. Kayfant Abdullah Abdurrahman. Naam. Tayyib. Pour une femme, comment est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a l'équivalent pour les femmes? Naam. Pour l'homme on dit Abd, et pour la femme on dit Ama. Abdurrahman. Donc c'est pour un garçon, et Amatul Rahman, c'est pour une fille. Abdullah, c'est pour un garçon, et Amatullah, c'est pour une fille. Naam. Donc le meilleur nom pour la fille, c'est ça. Amatullah, Amatul Rahman, la servante d'Allah, la servante du Tout-Miséricorde. Tasawwar hadha ar-rajul. Yani imagine cet enfant. Depuis tout petit, il entend « Eh, serviteur du Tout-Miséricordieux. Eh, serviteur d'Allah. » Subhanallah. Toute sa vie, c'est un rappel que c'est un serviteur, un esclave d'Allah. Donc ça, c'est plus mada, prompt à ce qu'il soit soumis à Allah et qu'il soit monothéiste. Par contre, tu appelles l'enfant Abdul Nabi, Iyadan Billah. Certains ont appelé leurs enfants l'esclave du prophète. C'est haram, hada shirk. Ou Abdul Uzza, wal Iyadu Billah, comme fil jahiliya. D'accord? Ces noms-là sont interdits. Et la personne qui a eu cette appellation, il n'a pas de péché, mais il ne doit pas accepter qu'on l'appelle comme ça. Yajib alayhi an yughayyira asma. Il a l'obligation de changer son nom. S'il ne peut pas le faire dans les papiers, alors il doit dire aux gens qu'il change de nom et qu'il refuse qu'on l'appelle ainsi. Donc sachez que ce prénom n'est pas perdu. Abdul Nabi, hada la yajuz, hada shirk. Wal iyadu billah. Après Abdullah Abdurrahman, les noms où il y a ta'bid lillah, les noms où il y a le serviteur et ensuite un nom d'Allah. Comme quoi par exemple Abdul Wahid, Abdul As-Salam, Abdul Al-Mu'min, Abdul Al-Hayy, Abdul Al-Qayyum ou Abdul Hayy Al-Qayyum aussi. D'accord? Donc tu dis Abd et ensuite tu mets un nom d'Allah. Ce sont les noms les plus beaux. Et tu vois certains frères qui, lorsqu'ils sont dans l'attente d'un enfant, ils courent à la librairie, achetant un livre de noms, et ils cherchent, et ils ont des insomnies, et ils cherchent, et ils cherchent. Dors tranquille, mon frère. Abdullah, Abdurrahman. Hein? Abdullah, Abdurrahman. Ce sont les meilleurs noms. D'accord? Ensuite, tu n'as que l'embarras du choix. Abdul Aziz, Abdul Malik, Abdul Malik. Tu n'as que l'embarras du choix. Ensuite, les noms des prophètes. Ensuite, les noms des prophètes. En imbab al-fa'ida, le shir, l'auteur, tous ses enfants, d'accord, ils disent que Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ma yuhib ahl al-bayt. Ils disent qu'ils n'aiment pas les gens de la famille du prophète sallam. Ils mentent sur les savants comme à leur habitude. Hein? Là, c'est un ahl al-shirk. Tous ses enfants ont les prénoms d'ahl al-bayt. Tous ses enfants. Ali, al-Hassan, Al-Hussein, Fatima, Abdullah, Ibrahim, et ainsi de suite. Naam. Al-Sheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala, son premier fils s'appelle Mohammed. D'accord? De son autre épouse, il a eu un fils. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'il l'appelait? Mohammed. Unzur hub ahli al-ilm. لآل النبوة ثم يقال فيهم ما يحبون آل النبي صلى الله عليه وسلم بينما تبحث عن أسماء أبناء هؤلاء ما تجد هذا فيهم ceux qui passent sont les savants, tu regardes le nom qu'ils donnent à leurs enfants, tu trouves pas ça chez eux. Ensuite ils disent des ulama de Ahl Sunna qu'ils n'aiment pas la famille du prophète صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. Ça, c'était une parenthèse. On revient à notre sujet. Puis l'auteur nous dit قال سفيان ابن عيينة ابن ميمون. Sufyan, c'est un grand savant. Il est né en l'an 107 à Al-Kufa. Il a vécu également à la Mecque. Il est décédé en l'an 97. C'est un grand savant. قال سفيان رحمه الله مثل شاهان شاهان شاه. سفيان ابن عيينة nous dit comme فوائد. طيب ça vient à la fin parce qu'il y a une autre riwaya. Jazakallah khair. Donc Ahsan. Donc Soufiane ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala nous dit, comme le fait de dire Shahan Shah. Ibn Uthaymin dit هذه الكلمات باللغة الفارسية شاهان أملاك شاهان مالك. D'accord. Donc le sens de ce mot, en fait, c'est مالك الأملاك, mais en perse. Qu'est-ce qu'on comprend de cela? Pourquoi est-ce que l'auteur a cité cette parole? Pour nous faire comprendre que ce n'est pas restreint à مالك الأملاك. Non, tous les mots dans lesquelles, toutes les appellations dans lesquelles on dépasse les limites, toutes les appellations dans lesquelles on attribue une perfection absolue à une créature, ou bien une élévation démesurée à une créature, est proscrit. Qiyasan ala hadha al-hadith. Et remarquez que l'auteur a titré ce chapitre Qadi al-Qudat. Bab man tasamma bi Qadi al-Qudat. Et dans le hadith, on ne trouve pas Qadi al-Qudat. Wa hadha min fiqh. المؤلف فهم أن منع ملك الأملاك ليس للحصر فقاس هذه بتلك. Donc tous les termes comme le roi des rois, le juge des juges, le grand des grands, toutes ces appellations sont proscrites. وفي رواية عند مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وَأَخْبَثُهُمْ قَوْلُوا أَخْنَعُ يَعْنِ أَوْضَعُ. Dans une autre version du hadith, dans le recueil de l'imam Muslim, أَغْيَظُ الْغَيْظُ هُوَ الْبُغْضُ. Donc la personne la plus, ou l'homme contre qui Allah sera le plus en colère le jour de la résurrection est le plus mauvais. Dans une autre version, en ces termes, l'homme contre qui Allah sera le plus en colère le jour de la résurrection est le plus mauvais. إثبات هذه الصفة لله عز وجل أي الغيظ وهي قريبة من الغضب. إذن هذا ذكر عقوبة يوم القيامة فالتسمي به كبيرة من كبائر الذنوب. On tire de cela que celui qui prend cette appellation aura commis un grand péché, car on nous cite un châtiment dans l'au-delà. Donc toute appellation التي تدل على غاية الكمال الكمال أو الكمال المطلق المبالغة في التعظيم لا يكون أو لا تكون إلا لله لا تكون إلا لله. Donc la vue le plus juste des savants est de dire que Qadi al-Qudrat, cette appellation est interdite. Car certains ont dit c'est permis, d'autres ont dit c'est stable, d'autres ont dit c'est interdit. La vue le plus juste est de dire que c'est interdit, comme l'ont dit Mada, plusieurs savants. Et cela pour protéger les limites du tawhid. Et pour éloigner les gens des causes qui pourraient les faire tomber dans le polythéisme. مناسبة الحديث للباب في تحريم التسمي بمالك الأملاك وما أشبه ذلك. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre ou dans ce chapitre, car on y voit l'interdiction de s'appeler par le roi des rois et toutes les appellations qui y ressemblent et parmi ces appellations qui y ressemblent هذه القضاة, l'intitulé du chapitre numéro 45. Puis l'auteur nous dit le mot akhna signifie le plus misérable. Le plus misérable. Tout cela, délaisser ces appellations fait partie de la perfection du tawhid et de la perfection dans ta'zimullah rabbil alamin. Plus la personne avance dans le tawhid, plus elle immensifie Allah. Donc plus elle se voit petite. Plus elle se voit petite. Plus tu connais Allah, plus tu te connais toi. Plus t'apparaît de la perfection d'Allah, plus t'apparaîtra de ton imperfection. Non, plus t'apparaîtra de ton imperfection. Quand tu apprends, par exemple, que parmi les noms d'Allah, il y a Al-Hayy, le vivant, et que tu étudies le sens de ce nom, Al-Hayy, celui qui a existé de tout temps, qui n'est pas rattrapé par la mort, et dont la vie n'est pas sujet aux défauts. Il n'est ni sujet au sommeil, ni à la somnolence, ni à la maladie. Il a la vie complète, la vie parfaite. Donc lorsque tu sais cela, tu médites sur ta propre personne. Donc toi, tu es vivant, mais tu étais mort avant. قالوا ربنا متنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. Donc les gens diront, oh Allah, tu nous as fait mourir deux fois et tu nous as fait vivre deux fois. Le tafsir de ce verset est que la première mort est avant la vie, tu étais mort. Ensuite, après quatre mois, on t'insuffle l'âme dans le ventre de ta mère, c'est la première vie. Ensuite, tu goûtes à la mort lorsque l'ange de la mort vient récupérer ton âme. Ensuite, tu goûtes à la seconde vie, yawm al-qiyam. Allah Azza wa Jal, lui, a la vie complète. Il n'est pas sujet au temps et à ces choses-là. Donc, en étudiant le nom d'Allah El-Hay, t'apparaîtra de ton imperfection à toi. Ensuite, ajoute à cela que tu tombes malade, que tu dors, que tu somnoles, que tu as des besoins, donc tu as des défauts dans ta vie. Hakada sahibu tawhid. Plus il avance dans l'étude du tawhid, plus il connaît Allah, plus il immensifie Allah, plus il respecte Allah, plus il cherche à craindre Allah, à aimer Allah, à espérer ce qui se trouve auprès d'Allah, et à désespérer de ce qu'il y a dans les mains des créatures, et plus il se voit méprisable, plus il se voit petit. Donc, ça ne peut se lier et se joindre avec ce genre d'appellation. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité pour ce chapitre. Wa sallallahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.